J'entends pas la batterie, moi. Looking a looper on it, Rare Ninja, but I don't. Y'a pas un petit truc. Non, ça se met pas en synchro. Ah ouais, attends. Et après, on peut mettre du piano.